pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont suivi ces, les pérégrinations de Daniel Kemp au travers de cette émission à rebondissement. On a vu lors de son premier passage qu'il avait été contacté par un auditeur qui se prenait pour Dieu le Père. On l'a vu ensuite aux prises avec l'esprit. Et dernièrement, Daniel Kemp, si vous avez écouté cette nuit, il est descendu aux enfers, il est remonté aux cieux. Tout à l'heure, il va être à la gauche du Père François. Et je ne sais pas s'il vient ici pour juger les vivants ou les morts vivants. En tout cas, vous connaissez Daniel Kemp, c'est une personne qui a son franc-parler. C'est ce qu'on appelle un extra-lucide, dans le sens que il ne fait pas de cadeau à l'illusion ou au mensonge, même lorsque ce mensonge-là est cosmique. On parlait la semaine dernière de Daniel un peu comme un Pac-Man ou comme un tigre qui déchirait les voiles de l'illusion. Alors je rappelle pour les gens qui craignent les blessures causées par les griffes du tigre qu'on a du baume du tigre ici en vente aussi également. Pas de problème. Alors ce soir, il nous fait plaisir donc d'accueillir Daniel Kemp dans une conférence intitulée « La fusion des corps ». Je vous rappelle pour ceux qui viennent ici pour la première fois que la conférence va durer 1 heure, qu'ensuite il y a une pause d'une demi-heure et une deuxième partie qui dure 1 heure, qui est une période de questions. Donc à la pause, on vous encourage à poser toutes vos questions par écrit et à nous les faire parvenir ici en avant. Et je me ferai votre interprète pour poser ces questions-là à Daniel. Également, à la pause, la première partie, donc enregistrée sur cassette, est disponible directement au kiosque. Et vous pouvez l'avoir gratuitement si vous achetez votre billet pour la semaine suivante, la prochaine conférence de Daniel. Voilà, alors on accueille sans plus tarder maintenant, et comme il se doit, notre ami Daniel Kemp. Un petit coup de goupillon. On est tous attachés à des cordes, hein. Je ne peux pas te donner plus de fil que ça, est-ce que ça suffira? Fonctionne pas. Alors, je vais te commencer par te poser une question. Ensuite, je vais m'assoupir pour 1 heure et puis je vais te laisser le micro. Alors, Daniel Kahn, tu as choisi donc de nous parler de la fusion des corps aujourd'hui. Maintenant, de quel corps s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit du corps de tous les corps, physique, astral, mental, vital, supramental, ou est-ce que tu as choisi de nous parler que d'un corps en particulier aujourd'hui? Comme la télévision. Bon. Alors, lorsque je veux parler de la fusion des corps, je veux parler surtout du corps physique, vital, astral et mental, et je ne toucherai pas trop de la fusion supramentale ce soir. Disons qu'on va y revenir dans des conférences prochaines. Donc, nous allons essayer d'aborder un peu ce qu'est l'homme nouveau, mais d'une façon un peu plus ésotérico-pratique ou encore ésotérico-psychologico-pratique, c'est-à-dire d'une façon qui doit être envisagé par l'homme ancien, qui doit être envisagé aussi par l'homme en mutation, donc par l'homme qui est en transfert entre la phase ancienne et la phase nouvelle. C'est-à-dire que lorsque nous parlons de l'homme, nous sommes habitués à essayer de ne pas trop en dire, et lorsque nous en parlons un petit peu trop, on a tendance à penser que nous compliquons les choses. La façon dont l'homme s'envisage lui-même détermine la façon dont l'homme pense de lui. C'est-à-dire que lorsque l'homme n'a pas le vocabulaire nécessaire pour pouvoir penser convenablement, il n'a pas non plus le vocabulaire nécessaire pour pouvoir s'observer et se voir tel qu'il est. Le vocabulaire de l'homme est un vocabulaire qui est illusoire, c'est-à-dire c'est un vocabulaire qui sert de manteau, c'est un vocabulaire qui est menteur. Et lorsque nous essayons d'aborder l'homme avec un vocabulaire un peu plus direct, un vocabulaire un peu moins mensongeur, un peu plus véridique, si l'on pourrait dire, eh bien, évidemment, l'homme n'arrive pas à suivre la psychologie intrinsèque à l'homme. L'ego de l'homme fait en sorte que différents mécanismes puissent se placer en travers de la parole plus juste et de l'ego qui est en train de se faire décortiquer. C'est-à-dire que lorsque nous parlons de la fusion des corps, on a vu premièrement le premier degré ce mois-ci, qui était la séparation des corps, c'est-à-dire que je demandais au public d'essayer de prendre conscience qu'il n'était pas que la psychologie. Et on a vu que l'homme nourrissait sa psychologie au lieu de nourrir son corps, que l'homme habillait sa psychologie au lieu d'habiller son corps, que l'homme distrayait sa psychologie et que l'homme se servait de son corps régulièrement aux fins psychologiques. On a vu après des mécanismes pour harmoniser ces différents corps, c'est-à-dire le corps physique, le corps vital qui est la vie, qui est aussi l'élément de vitalité qui anime le corps vital, le corps physique, pardon. Donc, la fatigue qui est un manque de vitalité, les maladies qui sont une désharmonie dans l'énergie vitale, ce qui se traduit par une pathologie physique. On a vu aussi un peu l'harmonisation du corps astral, c'est-à-dire du corps des mémoires, le corps de la psychologie de l'homme, le corps des désirs de l'homme, et un peu du corps mental. On a vu la semaine dernière comment énergiser ces corps, c'est-à-dire comment, une fois qu'ils sont en harmonie, disons, le plus possible, comment faire pour arriver à rehausser ou surtout à ne pas gaspiller l'énergie que le corps de l'homme ou que les différents corps de l'homme accumulaient au fur et à mesure qu'il évoluait chaque jour. La fusion des corps, c'est que nous devons revenir à l'état primaire, c'est-à-dire que l'homme est une unité. Une unité qui pourrait se diviser en 4 pour l'instant et en 5 prochainement lorsque nous abordons le phénomène de l'énergie supramentale ou du corps supramental. Présentement, l'homme se voit comme une unité, c'est-à-dire que l'être humain se voit comme un être psychologique. Et la fusion des corps, c'est qu'elle doit amener l'être psychologique à vivre un être réel et non plus à vivre que l'être psychologique. L'homme ancien, c'est un être psychologique qui conçoit sa vie à partir de sa relation entre son propre ego, c'est-à-dire lui-même, et l'extérieur. L'être psychologique, c'est un être qui ne conçoit la vie qu'à partir de sa perception psychologique. Et à un moment donné, l'homme doit concevoir sa vie à partir de sa perception physique, sensorielle, vitale et psychologique et surtout mentale. Et la fusion des corps, c'est le mécanisme qui amène l'homme, à un moment donné, à avoir une intégration réelle des différents corps planétaires, c'est-à-dire de ces 4 polarités physiques, vitales, astrales et mentales. Lorsque je dis que l'être humain est en réalité une chose, tout le monde est d'accord. Sauf que la chose que moi je vois n'est pas la chose que tout le monde voit. Donc, l'être qui fusionne ses corps planétaires, l'être qui arrive à ne plus être en dissonance entre ses différents corps, l'être nouveau, l'homme nouveau, l'être du Verseau, si on veut employer, disons, les termes astrologiques, cet être-là ne peut plus envisager la vie comme l'être du poisson l'envisage. Donc, ce soir, nous allons essayer d'aborder les différenciations qu'il va y avoir entre l'être nouveau et entre l'être ancien, entre l'homme nouveau, la femme nouvelle, l'enfant nouveau et l'enfant, l'homme et la femme ancienne. C'est important pour la simple raison que l'homme conventionnel est habitué à se replacer dans la normalité pour pouvoir savoir ce qui se passe chez lui. C'est-à-dire que l'homme, et ça doit cesser. Ça doit cesser immédiatement. Ça doit cesser, c'est obligatoire. L'homme, l'humanité, mais l'homme individuel ne peut pas naître, ne peut pas apparaître, et l'humanité ne peut pas évoluer tant que l'humanité évolue d'une façon collective. Si l'ensemble fait l'erreur, l'individu intelligent fait l'erreur parce qu'il tient à être normal. Et si l'ensemble fait quelque chose qui s'adonne à être correct, même les individus qui n'ont pas l'intelligence pour le voir vont le faire parce qu'ils veulent être normal. Et c'est de cette façon que l'homme ancien, que l'homme psychologique évolue régulièrement, graduellement. Maintenant, l'homme qui a une psychologie collective et qui n'a pas d'intelligence individuelle, donc qui n'évolue pas dans sa propre énergie intelligente, dans sa propre intelligence, ne peut faire autrement que d'exprimer différentes polarités de son ego, c'est-à-dire différents désirs. Et lorsque chacun entrevoit l'avenir ou entrevoit la vie présente à sa façon, évidemment, l'erreur couvre la planète. Et vu que l'homme essaie d'être normal, l'homme évolue beaucoup plus par l'erreur que par la réussite. Lorsque l'homme a épuisé toutes les facettes d'une erreur possible, il se doit d'exprimer la réussite. C'est l'évolution intégrale de l'humanité présente. Mais à un moment donné, l'homme doit prendre conscience de ce qu'il est et il doit essayer d'envisager sa propre évolution, sa propre amélioration, sa propre vie, à partir non pas d'une intégration de l'ego par rapport à ce qu'il perçoit ou à ce qu'il veut expérimenter ou à ce qu'il veut fuir, mais à partir surtout d'une prise de conscience intelligente des mécanismes même de l'évolution. Et l'homme qui fusionne ses corps planétaires, ce n'est pas quelque chose que vous allez faire en allant dans un bain flottant ou en allant en dessous de la porte du soleil au Pérou. La fusion des corps, elle se fait seule, simplement et facilement. Sauf que la résistance que va opposer l'ego à la fusion des corps va déterminer le potentiel de souffrance que va vivre l'homme qui va se conscientiser. Et ça, ce mécanisme de souffrance qui est inhérent à l'évolution de l'homme, parce que l'homme y tient, l'homme résiste continuellement à l'amélioration, devra être détruit par l'homme. Et l'homme résiste à l'amélioration parce que l'homme ne conçoit pas le pourquoi de l'amélioration. L'homme philosophie l'évolution, ce que moi j'appelle l'amélioration. L'homme envisage des mécanismes évolutifs parce que l'homme est écœuré de souffrir, parce que l'homme veut fuir sa misère présente, parce que l'homme veut fuir l'inconnu. Donc, il croit qu'en évoluant, il va connaître. Connaissant, il va être sécuritaire. Étant sécuritaire, il n'envisage même pas ce qu'il devra vivre. Pour le présentement, il ne recherche que la sécurité. L'homme du poisson ne se demande même pas ce qu'il va faire une fois sécure. Pour l'instant, il va être sécure. Et lorsqu'il sera sécure, on verra. L'homme présent, l'homme du poisson, n'évolue qu'en fonction de sa sécurité qu'il recherche, de l'insécurité qui l'habite. L'homme qui va fusionner ses corps planétaires, c'est-à-dire l'homme qui va comprendre sans avoir à séparer, l'homme qui va être capable d'être écologique à partir de lui-même, l'homme qui va être capable de savoir si ce qu'il fait est bon ou mauvais. Je ne dis pas mal parce que le mal est une farce. Le mal, ça n'existe que dans la tête d'imbéciles. Il n'y a pas de mal sur la planète. Il y a des choses qui sont mal comprises, mais il n'y a pas de mal d'une façon satanique. D'une façon luciférienne, le mal, c'est une farce. Ça n'existe pas, le mal. Le mal, c'est une différence de potentiel. Et lorsque quelque chose est potentiellement ou énergétiquement ou vibratoirement plus bas que moi, c'est mal. Mais le mal ne peut exister que par rapport au jugement que l'humain va lui porter. Il n'y a pas de mal. L'homme doit être capable d'entrevoir des choses qu'il fait et qui sont bien, des choses qu'il fait qui sont mauvaises, c'est-à-dire en inharmonie, c'est-à-dire qui n'exprime pas le 100% d'efficacité que l'événement pourrait exprimer. Et ça, c'est mauvais de ne pas être 100% efficace. Ce n'est pas mal, c'est mauvais. C'est-à-dire que ce n'est pas écologique, c'est-à-dire que nous perdons de l'énergie. Et chaque fois que l'homme perd de l'énergie, l'homme perd la possibilité de comprendre un mécanisme. La fusion des corps, c'est donc quelque chose qui se fait seul, sans que l'homme ait à travailler pour la fusion des corps. Je n'explique pas quelque chose ce soir vers laquelle l'homme doit se diriger. J'explique un mécanisme qui va se faire tout seul. J'explique un processus qui fait partie intégrale de l'évolution humaine sur la planète et non pas un but à atteindre. Et ça, c'est important. Pourquoi j'explique ce processus? C'est parce que, de toute façon, la majorité de l'humanité va, la majorité du monde, la majorité de ceux qui sont ici, vont atteindre ce processus d'ici peu. Cela peut s'échelonner à partir de quelques minutes, aller jusqu'à quelques années. Mais de toute façon, cela va être l'apanage de la race ou de l'homme qui vit au Québec. Le fait de comprendre un processus avant même de le vivre, même si on n'en comprend pas l'intégralité, même si on ne le comprend pas complètement, permet à l'ego de pouvoir moins souffrir la peur de l'inconnu lorsqu'à un moment donné, chez lui, il va se passer des choses. Parce qu'il va se passer des choses chez l'homme. L'homme va vivre une mutation psychologique. L'homme va vivre une mutation neurologique. L'homme va vivre une mutation sociale. L'homme va vivre une mutation scientifique. L'homme va vivre des mutations qui vont le bouleverser de fond en comble. Et si l'homme a déjà une connaissance de ce processus, lorsque nous parlons des extraterrestres, que l'homme y croit, que l'homme n'y croit pas, ça n'a aucune importance. Mais si par hasard, ou si un jour, un être qui n'y croit pas, ou qui y croit, mais qui a été instruit de la possibilité de l'extraterrestrialité planétaire, et qu'un jour il rencontre un extraterrestre, il ne virera pas fou. Il ne sera pas aussi démoli dans sa psychologie qu'une personne qui n'en a jamais été au courant. Donc, le fait d'expliquer un processus évolutif, que vous y croyez ou que vous n'y croyez pas, que vous le compreniez intégralement ou non, n'a aucune importance. Parce que le jour où vous allez devoir passer à travers, ben, vous allez savoir un peu ce qui se passe. Ça va être beaucoup moins traumatisant pour l'ego. Donc, étant moins traumatisant pour l'ego, l'ego va opposer beaucoup moins de résistance à ce processus. Ce processus va donc se faire plus rapidement et plus facilement. La fusion des corps, c'est lorsque l'homme est capable de vivre tout en étant en relation avec les lois intrinsèques au corps physique, au corps vital, au corps psychologique et au corps mental, sans qu'ils vivent de séparation corporelle entre ces différentes expressions de son être-té. Cela veut dire que je n'ai plus besoin de me demander à un moment donné, je mange, mais est-ce que je nourris ma psychologie ou mon corps? Cela est nécessaire pour l'homme qui est unitaire que dans sa psychologie. Mais à un moment donné, je mange parce qu'il est intelligent de manger et je n'ai pas besoin de me poser de questions. Ce qui va avec le corps physique reste avec le corps physique et jamais plus ma psychologie, par exemple, vient s'interposer dans la vie, dans l'expression évolutive de mon corps physique ou de mon corps mental. Lorsque je dois prendre une décision qui est intelligente, une décision qui ne peut souffrir la coloration de l'émotion, l'émotion ne vient colorer le mental. Donc, je prends une décision qui est ferme et qui est conséquentielle, qui est intelligente, qui n'est pas émotive, qui n'est pas colorée par le désir, par le résultat que je veux obtenir. L'être qui fusionne ses corps planétaires est un être qui va complètement changer. Il ne devra pas changer, il va être changé. Et ce soir, nous allons aborder avec François différentes visions ou différents... Comment l'homme fusionné ou l'homme nouveau va-t-il vivre certains mécanismes qui sont normalement vécus par l'homme du poisson? Et on va déterminer, on va expliquer, on va explorer un peu de quelle façon l'homme du poisson vit des mécanismes, de quelle façon l'homme nouveau va vivre ces mécanismes. Passer une seconde. Passe-moi dans le goupillon un peu. Avant d'aller plus loin, là, j'aimerais savoir si tu fais une différence entre la fusion des corps et l'harmonisation des corps. Ou est-ce que c'est la même chose que tu appelles fusion? Est-ce que c'est une forme d'harmonisation des corps? Puis, deuxièmement, tu as commencé à parler là, de la différence qu'il pouvait y avoir au niveau de l'alimentation ou de la faim ressentie par une personne non fusionnée et une personne fusionnée. Peux-tu faire la même différence en ce qui concerne, par exemple, la famille, le sommeil, les rêves, je ne sais pas, la foi, l'action, la création, la procréation, la mort, Dieu, etc. Établir des parallèles entre l'homme ancien et l'homme nouveau. Alors là, je suis tranquille, tu en as pour une demi-heure avec ça. Bon, disons premièrement que l'harmonisation des corps et la fusion des corps, c'est la même chose tout en étant totalement différent. L'harmonisation des corps, c'est un mécanisme qui va être perçu et vécu dans la relation que vont avoir chaque corps l'un envers l'autre. Et la fusion des corps est un mécanisme qui devra se vivre surtout au niveau psychologique. C'est-à-dire que la psychologie devra être détruite, si on peut dire, pour que l'homme psychologique devienne l'homme réel, accepté et accrédité par la psychologie. Il y a fusion des corps, là. Par contre, dans la relation entre chaque corps, il y aura harmonisation. Et on va parler de la fusion entre l'homme planétaire et l'homme extraplanétaire, c'est-à-dire la fusion entre l'homme planétaire et l'énergie supramentale, dans les conférences qui vont venir, disons, au mois de décembre surtout, étant donné que le mois d'octobre, on va surtout s'adresser à décortiquer convenablement l'homme nouveau. Alors, je crois qu'on a ici une société nouvelle pour l'homme nouveau qui va être la prochaine conférence. On a la psychologie de l'homme du Verseau. Ensuite, la psychologie de la femme du Verseau, ensuite, la psychologie de l'enfant du Verseau, ensuite, et après ça, je m'en vais au Pérou, un mois. Et en revenant, on parlera un peu de l'énergie supramentale, de ces choses-là. D'ailleurs, en décembre, ça va être une bonne époque pour parler de l'énergie supramentale. Donc, la fusion des corps, c'est quelque chose qui va arriver, qui arrive de plus en plus, et le seul problème qu'il y a, c'est que celui chez qui cela arrive et qui n'est pas averti est en train de vivre des mécanismes fusionnels, mais il n'est pas fusionné, il n'est pas accompli. Il va être accompli, et lorsqu'il sera accompli, évidemment, il saura ce qui s'est passé et ce qui se passe. Mais lorsque un mécanisme fusionnel tend à s'opérer chez quelqu'un, lorsqu'une personne commence à entrevoir ce qu'elle a toujours entrevu, mais d'une manière différente, lorsqu'elle change, elle a une morbide tendance à vouloir être normale. Et cette maudite normalité, il va falloir absolument qu'à un moment donné, l'homme se libère de la normalité parce que l'homme ne peut pas être lui, l'homme ne peut pas être dans son énergie, dans son intelligence, l'homme n'est pas individuel si l'homme recherche constamment à être collectif, c'est-à-dire à être normal. Et ça, je vais en parler, je vais en reparler, je vais le crier, mais il va falloir absolument que l'homme finisse par comprendre ce qu'est le piège de la normalité. Est-ce que c'est normal qu'il m'arrive telle chose? Et plus cela va aller, moins ça va être normal. Mais il ne faudra pas en avoir peur, ça sera naturel, mais pas normal. Parce que de temps en temps, j'en parle. Et je reviens là-dessus parce qu'il va falloir que le déclic se fasse dans la tête à un moment donné de ceux qui n'ont pas perçu. Qu'est-ce que c'est que la normalité? Qu'est-ce que c'est que cette foutue merde? Qu'est-ce que la normalité? Présentement, disons qu'il est normal d'être ici pour tout le monde parce que tout le monde est ici. Et il est normal pour tous ceux qui ne sont pas ici de ne pas être ici parce qu'ils ne sont pas ici. Qu'est-ce que la normalité que cette foutue invention de l'homme? Je répète de temps en temps et ça fait rire parce qu'effectivement, c'est comique. Mais c'est beaucoup plus comique que celui qui rit peut penser. La société, elle est normale et la normalité, c'est lorsque plusieurs personnes se suivent l'un l'autre, l'un derrière l'autre. Alors moi, je suis celui qui me précède et l'autre suit l'autre et l'autre suit l'autre. Et on est 6 millions, par exemple, à se suivre, mais on fait un cercle. Alors, personne ne va nulle part et tout le monde est convaincu que celui qui est en avant sait où ce qu'il va. Alors que celui qui est en avant, par l'intermédiaire des autres, me suit. Et moi, je le suis. Ça, c'est la normalité. Qui, un jour, a dit que telle chose était normale? Personne. Tout le monde le fait. C'est normal. Mais tout le monde veut le faire parce que tout le monde le fait. Et c'est là le problème. Il n'y a rien de créatif, d'évolutif, d'amélioratif dans la normalité. Parce que tout le monde le fait, parce que tout le monde le fait. Et être normal, ce n'est pas être intelligent. Être normal, c'est être intégré dans le tout le monde le fait. Et l'autre le fait parce que tout le monde le fait. Et l'autre le fait parce que tout le monde le fait. Ce qui fait qu'individuellement, tout le monde le fait parce que collectivement, tout le monde le fait. Mais il ne se passe rien chez personne. Juste pour illustrer ce que tu disais, il y a quelqu'un qui a dit un jour « caresse ou flatte un cercle et ça deviendra très vite un cercle vicieux ». Je ne sais plus si je vais te passer le micro. C'est sûr que c'est ça. La société est un cercle vicieux et chaque personne chiale que l'autre ne sait pas ce qui va, mais cesse de le suivre à un moment donné. Mais si je le suis pas puis que je fais des erreurs, tout le monde va rire. Fait que tu le suis puis tu chiales. Bon, va falloir que l'homme découvre ce que c'est la normalité. Va falloir que l'homme découvre que présentement, vous vous jugez, vous vous cataloguez à partir d'un critère qui n'existe pas. La normalité. Celui qui est marginal n'est pas marginal réellement. Il est peut-être normal, parce que dans la normalité, il y a une partie qu'on appelle la marginalité qui est collective. Comme ceux qui sont pour rien et qui sont contre tout. On en a plein de ça. On en a régulièrement plein et ils sont aussi collectifs que ceux qui sont pour tout contre rien. La normalité, on va y revenir souvent, c'est un mot terrible, beaucoup plus que le mal ou que Satan ou que Lucifer. Pas dangereux, ces choses-là. Quand est-ce que vous voyez Satan ou Lucifer? Vous n'en avez peur. Mais la normalité, vous êtes dedans régulièrement, mais ça, vous n'avez pas peur, parce que c'est normal d'être normal. Ça, c'est un gros problème. Alors, on va décortiquer un peu ce que l'homme du poisson voit dans certains mécanismes et ce que l'homme fusionné planétairement, donc ce que l'homme nouveau va vivre. Comment il va concevoir des mécanismes. Et je fais cette différenciation non pas pour vous donner des objectifs. Parce que l'homme du poisson va vouloir se diriger vers un objectif. L'homme du poisson veut évoluer, tandis que l'homme du Verseau ne veut pas évoluer. Et l'homme du poisson évolue à peine, tandis que l'homme du Verseau évolue radicalement. À un moment donné, on avait des souris. Et on avait Pavlov qui s'intéressait à ces souris. Et qui avait réussi à instruire les souris que lorsque celles-ci appuyaient sur telle couleur, elles avaient un morceau de fromage, et sur d'autres couleurs, elles avaient de l'eau, de la glace, des chocs électriques. Oui. Et à un moment donné, chaque fois qu'une souris appuyait sur le verre, Pavlov lui donnait un morceau de fromage pour la récompenser. Et tout fier de sa trouvaille, il a amené plusieurs de ses savants amis et il leur a montré que, voyez, j'ai dressé la souris. Chaque fois qu'elle appuie sur le bouton vert, je donne un fromage. Alors maintenant, elle n'appuie plus sur les autres. Et ils sont deux souris dans la cage, et l'une des deux souris dit à l'autre, « Tu vois, j'ai dressé le bonhomme. Chaque fois que je pèse là-dessus, me donne à manger. » Tout ça, c'est un mécanisme qui est similaire à la normalité. Tout fonctionne, tout le monde est content, puis c'est de la vraie frime, c'est de l'illusion totale. On se base sur des critères qui n'en sont même pas. Et l'homme du poisson veut évoluer, c'est-à-dire qu'il cherche à être normal. J'ai rencontré plusieurs personnes qui m'ont dit « Oui, moi, je veux être pacifique, mais quand l'humanité sera pacifique, je commencerai à me désarmer. » Oui, mais comme on est 4 milliards à se dire la même chose, bien évidemment, on ne peut pas fonctionner. Parce qu'on est toujours régi par les autres. On souffre pour les autres. Hein? C'est pour ça que l'Éthiopie nous fait mal, parce qu'on souffre à leur place. C'est pour ça que lorsqu'il arrive un meurtre ou lorsqu'il arrive quelque chose dans la société, on n'en souffre pas tant qu'on n'en est pas conscient, tant qu'on ne lit pas dans un journal, et puis là, on souffre à la place des autres. Et ça, c'est la souffrance humaine qui fait que l'homme passe les 95% de son temps à s'occuper des autres. Et le 5% est occupé par les personnes qu'il n'aime pas, qu'il haït, qu'il déteste. Au lieu d'un moment donné de s'occuper de lui pour libérer ceux qui s'occupent de lui de façon à ce que les autres s'occupent d'eux autres, et c'est ce que l'homme du Verseau va faire. Le fait que l'homme veuille s'améliorer, c'est différent du mécanisme qui pousse l'homme à vouloir évoluer. Le terme évoluer est un terme spirituel, est un terme psychologique. Donc, je préfère employer le terme améliorer qui considère l'amélioration sur tous les plans, donc de l'être fusionné, c'est-à-dire de l'homme nouveau, c'est-à-dire du plan physique en montant jusqu'au plan mental. Tandis que l'évolution spirituelle, l'évolution a un caractère éminemment spirituel, sauf pour les biologistes, il a un caractère éminemment spirituel et il ne concerne que l'évolution du corps psychologique, c'est-à-dire du corps astral. Et ce corps astral, ce corps psychologique, depuis quelques 4000 ans, n'a pas évolué. Il s'est énergisé. Il a plus de désirs qu'il n'en a jamais eu. Mais il n'a pas évolué. Où pouvons-nous voir dans la psychologie humaine de l'évolution? On a toujours eu des pacifistes, on a toujours eu des guerriers, on a toujours eu de l'aide nationale, internationale, on a toujours eu des guerres internationales, on a toujours eu des nouvelles religions, on a toujours eu des hommes et des femmes qui voulaient sauver les autres spirituellement, qui voulaient sauver les âmes des pauvres païens qui étaient allés tuer contre eux-mêmes. On a toujours eu plusieurs choses. Si, et présentement, nous allons dire, oui, mais ça l'a changé. Aujourd'hui, quand même, moi, je suis chrétien et je ne pense pas. Mais pense, il serait temps que le chrétien commence à penser. On a eu un temps, j'ai trouvé ça à un moment donné, moi, à Montebello, dans une vieille malle, en tout cas une amanchure, où on conservait des choses. Ça, c'est typique de l'homme du poisson, d'ailleurs, d'être conservateur. Et on conservait un livre qui, présentement, n'existe plus. Et ce livre parlait de la contrition parfaite. Je ne sais pas si certains connaissent. Mais le livre t'expliquait bien que si une personne ne faisait pas son acte de contrition parfaite 3 fois par jour, tu étais autorisé par Dieu à le forcer à le faire. Et tu pouvais le battre, le blesser, le brûler. Tu pouvais le priver de nourriture, c'est un enfant. Tu pouvais le massacrer. Il devait. Et s'il le faisait même sous la torture, il était sauvé. Donc, c'était un acte officiel et essentiel pour un bon chrétien que d'obliger les autres, à faire leur contrition parfaite et à se convertir de gré ou de force. Et si une personne, tu la pousses jusqu'à la mortalité et qu'avant de mourir, elle accrédite ton Dieu et qu'elle meurt, elle est sauvée. Et si elle meurt, tant pis pour elle, de toute façon, toi, tu es sauvé. Et ce livre date de entre fin 1700, début 1800, mais il a été réimprimé jusqu'à le début 1900. Et ça, c'est l'évolution de la conscience psychologique collective, l'évolution de la conscience organisée par les religions, par exemple, où l'homme ne pense pas de par lui-même, où l'homme pense parce qu'on l'oblige à penser. L'homme pense, c'est vrai, mais sa pensée est limitée à une seule pensée. L'homme pense qu'il pense, c'est tout. Le reste, on pense à sa place. Pourquoi? Parce que l'homme veut être normal. Si vous êtes né dans une religion islamique, c'est normal d'être islamique. Et parce qu'on est né dans un autre endroit, c'est normal d'être autre chose. Mais l'homme qui est normal, l'homme qui veut s'assujettir à la normalité, est un être qui ne pense pas. Et il va dire, ben oui, mais je peux quand même pas m'habiller en vert, me faire ci. Pourquoi? Ben, parce que les autres. Alors, fais-moi pas croire que tu penses. Les autres t'obligent à penser selon ce que la collectivité veut. Et ça, l'homme doit s'en dissocier. Cela ne veut pas dire que l'homme commence à briser les vitrines. Partout où il vole, il fait n'importe quoi. C'est pas ça l'idée. Parce que la collectivité vous laissera pas faire. Et ce n'est pas intelligent en plus. Mais il est temps que l'homme commence à être suffisamment intelligent pour envisager des choses, non pas comme la normalité le fait. Et il faut que la maladie de la normalité, du « suis-je normal » disparaisse chez vous. Montrez-moi-en un être normal. Comme je disais à Roger à un moment donné, tu fais juste demander à quelqu'un « es-tu heureux? » S'il te répond « oui », dans ta tête, tout de suite, t'as, tiens, galote. Parce que c'est anormal d'être heureux. Alors, on interdit le bonheur dans la normalité. Et si quelqu'un se plaint d'être ben malheureux, ben là, on essaie de le convaincre, c'est pas si pire. Et ça, c'est la normalité. Soyez vous autres. Et vous devez vous assumer vous autres. Et si vous pensez que vous êtes laid, c'est parce que vous ne vous assumez pas. C'est parce que vous vous comparez au schéma de la normalité. Si vous pensez que vous êtes bon, vous êtes encore en train de vous comparer à la normalité. Essayez donc d'être vous autres à partir de vous autres. Tu scribouilles, toi, là. Je prends simplement des notes, je traduis un peu ce que tu dis. Pour moi, il semble que tu dis qu'il ne s'agit pas d'être ni dans la conformité, ni dans l'anticonformité, mais dans sa propre identité, c'est ça? OK. C'est bien, ça. Exactement. Être contre la normalité, c'est aussi stupide que d'être pour la normalité, parce que l'homme n'est pas lui. Il est contre quelque chose parce que la chose existe. La chose n'existe pas, peut pas être contre. Donc, il n'y a pas d'existence propre, cet homme-là, cette femme-là. Alors, on y va avec tes exemples de tout à l'heure. Feu. Ouais, OK, le sommeil, par exemple. Le sommeil, les rêves. Bon, alors, le sommeil, les rêves. Pour l'homme qui est psychologique, il envisage le sommeil, il envisage le rêve. Certains de ces hommes psychologiques vont envisager le sommeil comme étant une perte de temps. Parce qu'ils dorment la moitié de leur vie, selon eux. Mais plus souvent qu'autrement, ils dorment toute leur vie. Enfin. Alors, on avait justement un koan bouddhique qui exprimait ce phénomène. La nuit, un homme devient un papillon en rêve. Et le jour, un papillon devient un homme en rêve. Mais c'est le mécanisme même du sommeil humain. Le rêve pour l'homme ancien, qu'est-ce que c'est le rêve pour la majorité? Alors, le rêve, pour l'homme ancien, c'est quelque chose qui peut lui annoncer l'avenir. C'est quelque chose qui peut lui parler du présent. Donc, il recherche souvent à interpréter ses rêves. Pour certains, ce sont des expériences initiatiques au plus haut degré, mais pas nécessairement comme l'homme le conçoit, c'est-à-dire que le cauchemar est une expérience initiatique. Mais pas le reste des rêves, enfin, c'est initiatique parce que tu te fais fourrer, tu te fais avoir, oui, tu te fais violer. Mais lorsqu'un maître vient te voir dans ton rêve ou lorsque tu montres au paradis ou dans un samadhi particulier du monde de l'astral lors d'un rêve, l'homme du poisson va rechercher le rêve, il va pour interpréter ce rêve, pour pouvoir apprendre, pour pouvoir être instruit. Il recherche le contact de maître, le contact d'entités supérieures qui vont être capables de penser un peu plus à sa place, encore une fois, dans le monde des rêves. J'ai rencontré tel maître, il m'a dit telle chose, puis j'ai essayé ça. T'as-tu réfléchi à savoir si c'était bon? Ah oui, mais c'était un grand maître. T'aurais dû voir la lumière, t'aurais dû. T'as pas réfléchi pareil. Il cherche des guides, et les guides en allemand, ça se dit Führer. Oui, exactement, oui. Et ce mécanisme-là de l'homme du poisson qui envisage le rêve comme étant un endroit plus privilégié de la connaissance. Mais l'homme va connaître une fois réveillé, pas une fois endormi. Ce n'est pas dans le monde du sommeil, dans le monde des rêves, que l'homme apprend réellement. L'homme se fait manipuler encore plus dans le monde du sommeil, dans le monde des rêves, que dans le monde de la réalité apparente, que dans le monde de l'éveil. Par contre, dans le monde de l'éveil, l'homme se fait avoir quand même. Parce que certains rêvent tout à fait éveillés. Certains ont des idées qui les amènent à faire des gestes, à pousser, à passer par des actions. En fait, ce sont des réactions psychologiques qui les amènent à divorcer, à se marier, à redivorcer, à assassiner, à violer. Parce qu'on a plusieurs choses qui se passent dans nos sociétés. Ne pensez pas qu'une personne qui, à un moment donné, commet un meurtre ou un viol, c'est que cette personne-là est fondamentalement mauvaise. C'est que cette personne-là est fondamentalement plus faible psychologiquement. Et tout ce que la société crée dans le monde de l'astral, donc dans un des mondes parallèles, dans le monde de la psychologie collective, est absorbé par cet individu qui exprime la collectivité. Parce que lorsqu'un homme commet un viol, il ne fait qu'exprimer plus radicalement ce que tous les hommes font. Souvent. L'homme qui regarde les femmes se promener sur la rue, ou l'homme qui regarde des enfants, ou même la femme qui regarde... Mais c'est rare que les femmes font des viols. C'est des anormales, les femmes qui vont faire des viols. Puis l'homme qui se fait violer avec, d'ailleurs. Mais on canalise. Hein? Combien de fois l'homme a été suffisamment en colère pour pouvoir taper sur quelqu'un? Et lorsque quelqu'un tape mal puis qu'il tue, c'est un meurtrier. Ou lorsque quelqu'un est dans un état psychologique où il ne pense pas, parce qu'il ne pense pas, prend un revolver, prend un fusil, comme on a eu à Verdun dernièrement, où on a des meurtres stupides. Les meurtres, réellement, qui sont prémédités, sont rares. Et même les meurtres prémédités ne sont prémédités que par la psychologie non-pensante de l'homme, par sa jalousie, par des tensions qu'il accumule chez lui. Et ce n'est pas l'homme qui pense. Ce n'est pas l'intelligence de l'homme qui pense. Et même si on condamne ou même si on tue, ce n'est toujours pas l'intelligence de l'homme qui a pensé. Ce n'est qu'un intermédiaire. Il épuise un peu le karma de la collectivité. C'est une réaction de l'effet collectif. Alors, si nous prenons encore ce sommeil, ces rêves, lorsque l'homme nouveau rêve, il rêve parce qu'il se plaît, il va au cinéma. C'est-à-dire que si le rêve ne lui plaît pas, il le transforme complètement, mais il n'attend rien du rêve. Il ne recherche pas le rêve. D'ailleurs, à un moment donné, l'homme nouveau ne rêvera plus non plus. Mais même s'il ne rêve pas, il va continuer à vivre. Même si on pense, souvent, disons que la science est arrivée à penser que le rêve était vital pour le sommeil de l'homme, des mécanismes neurologiques et des mécanismes énergético-neurologiques sont vitaux pendant que le corps de l'homme se repose. Et pendant ces périodes, le corps astral, c'est-à-dire le corps psychologique de l'homme, selon le degré de perturbation énergétique qu'il va vivre, vit un rêve ou un cauchemar. Mais cette visualisation énergétique dans le rêve n'est pas nécessaire à la survie de l'homme pendant son sommeil. Donc, l'homme nouveau ne va rêver que par plaisir, que par envie. Il va peut-être pouvoir se servir un peu de l'égrégore akashique du monde des morts pour pouvoir vérifier certaines choses. Mais il ne le recherchera même pas. Je ne parle que d'amusement. Il fera du touriste dans le monde des morts. Il fera du touriste dans le monde de l'astral, mais il ne sera pas manipulé, assujetti à être manipulé comme l'homme ancien le fait. L'homme ancien se couche, il cherche le sommeil pendant 2-3 heures. Lorsqu'il le trouve, son sommeil est habité par différents rêves où il peut entrevoir des mécanismes de l'avenir qu'il croit être de l'avenir, où il peut entrevoir des déluges, des apocalypses, où il peut voir sa mère qui, 2 jours après, vient le visiter, où il voit des choses. Et parce qu'il voit des choses, il croit que ce monde-là a une énergie supérieure à la sienne, ce qui fait que même certaines personnes, ce que nous appelons du spiritisme, vont essayer d'entrer en contact avec le même monde tout en étant totalement vivant. Apparemment éveillé. Il dort très profondément, cela. Alors donc, le monde des rêves, c'est quelque chose pour l'homme du poisson qui a une valeur qui va complètement disparaître pour l'homme fusionné parce qu'il comprendra totalement l'inutilité et l'absurdité de ce monde de manipulation. Même si de temps en temps, le monde des rêves ou le monde des morts ou le monde parallèle de l'astral amène des connaissances authentiques et efficaces à l'homme, cela ne veut pas dire qu'elle libère l'homme de la manipulation de pensée. C'est-à-dire que l'homme ne pense toujours pas. Ce n'est pas parce qu'à un moment donné, vous avez, par le contact avec le monde des rêves ou le monde des morts, quelque chose d'intelligent que vous pensez de par vous-même. L'homme pense souvent que la puissance vient du fait d'être capable d'entrevoir l'avenir. Sachez que la puissance réelle va apparaître lorsque l'homme va être capable de transformer l'avenir, pas d'entrevoir l'avenir. Parce que l'avenir que l'homme entrevoit, c'est un avenir que l'homme construit pour faire plaisir à ce monde parallèle. Et plus souvent qu'autrement, l'avenir que l'homme entrevoit n'arrive même pas. Et on va aller voir, on parle de sommeil, on va aller voir les tireuses de cartes, on va aller voir les cristalliers, ceux qui font de la cristalloscopie, ceux qui lisent dans les boules de cristal, on va aller voir ceux qui lisent les marques de thé, le I-King, etc. On va aller voir le terme anglais, c'est un terme qui se promène un peu partout, mais ceux qui parlent, ceux qui sont capables, les médiums, les speakers, exactement. Pourquoi encore? Parce qu'on est trop incapable d'assumer nous-autres mêmes notre propre vie et on veut savoir. Et on veut savoir la bonne vérité, la bonne aventure, jamais la mauvaise aventure. On ne veut pas savoir les choses mauvaises parce que là, on n'y croit pas. On veut savoir les choses bonnes parce que là, on y croit même quand ça ne marche pas. Et l'homme, continuellement, même dans ce qu'il appelle la phase d'éveil, recherche le sommeil. Tu avais d'autres phénomènes? Ben oui. Donc là, autrement dit, cet homme nouveau la voit au travers le jeu de toutes les influences. Là, il développe son identité. Et pour ce qui est de la normalité, j'avais noté en fait que le problème de la normalité, c'était le fait que l'homme avait tendance à se comparer, justement. Hein. Autrement, on revient à ces autres comparaisons qu'on peut faire. Oh, tiens, ça tombe bien. La foi, la croyance. La foi et la croyance, j'ai mis ça ensemble. En passant, vu que ce n'est pas mon micro, il est possible que le son soit trop fort. Il faudrait juste que peut-être que Pierre, tu vérifies ça, là, si... Parce que François sait que je ne crie pas, mais ça pourrait de temps en temps, vu que ce n'est pas mon micro et qu'il n'est pas ajusté pour mon intonation. Oui, c'est ça, je vais le baisser un peu. Bon, la foi et la croyance. L'homme du poisson, l'homme ancien, l'homme qui vit que par psychologie, c'est-à-dire celui qui n'est même pas capable de connaître son corps physique, de connaître son corps vital, de connaître l'authenticité de son corps mental, de son intelligence, non pas juste de l'intellectuance, ne peut faire autrement que fonctionner par la croyance. Disons que l'ego humain, vous autres présentement, et c'est le même mécanisme pour la majorité de l'être planétaire, vous apercevez des choses et vous avez une faculté qui s'appelle l'intellect qui vous permet d'agencer selon un ordre apparemment logique ce que votre expérience ou votre éducation vous amène. Cet agencement, c'est ce que vous appelez la pensée, mais cet agencement est coordonné par votre émotivité et par vos désirs. Donc, vous ne pouvez souvent voir une chose telle qu'elle est parce que ou vous l'haïssez ou vous l'aimez. Alors, si vous avez un problème et que je vous dis parfait, laissez-vous vous être et sortez de l'événement. Observez vous et l'événement comme étant un extraterrestre, par exemple, comme étant un observateur à part. Et observez si ce qui se passe pour vous est bon ou mauvais, en essayant de laisser l'émotion dedans ce que vous observez, d'être neutre. Et lorsque l'humain, lorsque l'homme évolue, il ne peut pas être neutre. Parce qu'il se passe différents mécanismes chez lui, ou lorsqu'il mémorise une expérience, il assujettit à cette mémoire l'émotion qu'il a vécue lors de l'expérience. Ce qui fait que lorsqu'il se remémore l'expérience, il revit l'émotion de l'expérience, ce qui est une coloration, ce qui est faux. Il ne peut donc pas étudier l'expérience telle qu'elle était, parce qu'elle est toujours colorée par l'émotion qu'il a vécue lorsqu'il a mémorisé l'expérience. L'homme, au fur et à mesure qu'il évolue, il va intercaler différents événements pour conceptualiser, c'est-à-dire pour créer un concept de ce qu'il lui va appeler sa vérité. Il peut aussi l'appeler la réalité, selon son jeu de mots. Donc, à un moment donné, l'homme va arriver et l'homme va dire « on évolue », c'est-à-dire que j'apprends régulièrement et je commets des bévues et je paye pour. En observant différents mécanismes, l'homme arrive à concevoir une loi qu'il pourra appeler la loi du karma, la loi d'action-réaction, la loi de cause et d'effet. Et il va dire, je crois que cette loi-là existe. Une croyance. Elle a de l'allure, c'est-à-dire qu'elle est logique apparemment. Et l'homme va dire, oui, mais comment puis-je évoluer si en naissant je pars d'un degré et qu'en mourant j'ai à peine changé? Est-ce que je suis plus parfait? Et si je dis... En mourant, je vais au paradis ou en enfer. Je suis venu au monde dans un état, et selon que je n'ai pas fait de mal, je retourne au paradis, et selon que je n'ai pas compris les lois de la vie, je m'en vais en enfer. L'homme va dire, cela n'a pas d'allure. À un moment donné, il va dire, non, on doit revenir sur la planète, j'imagine, ou aller sur d'autres planètes, mais on ne doit pas mourir. Apparemment, cela est logique, et l'homme va conceptualiser la réincarnation. Et parce que l'homme entend à un moment donné que des millions d'autres ont cru à la réincarnation avant lui et que cela est exotique, donc vient du Tibet, vient de l'Inde ou vient de la Chine ou du Japon, alors l'homme va donner de la puissance à son concept. Il va dire, bon, vu que des millions d'autres y ont cru, c'est que c'est vrai. Ça, c'est le phénomène de la normalité. C'est pas plus vrai, c'est pas plus faux. Mais l'homme cesse immédiatement sa recherche parce que d'autres ils l'ont fait à sa place. Et l'homme dit donc, la réincarnation, moi, je crois à ça. Et à un moment donné, l'homme va même arriver à mettre tellement d'énergie dedans cette croyance que l'homme va dire « c'est vrai ». Et pour que l'homme puisse dire « c'est vrai », l'homme doit expérimenter la réincarnation, non pas juste au niveau de l'intellect, au niveau de l'émotion. Pourquoi l'homme va-t-il accréditer la réincarnation? Parce que l'ego humain a peur de mourir. Donc, la vie après la mort, que ce soit dans un Éden, dans un paradis, que ce soit dans une phase réincarnationnelle, réincarnative, l'homme l'accrédite. Parce que l'homme a peur. Donc, l'homme ne peut pas envisager intelligemment le mécanisme de l'évolution. L'homme l'envisage coloré par sa peur. C'est évident qu'on continue à vivre. Pourquoi? Bien, ça serait bien trop stupide. Bien, voilà, c'est pour ça. C'est évident parce que ce serait stupide. Donc, les deux se définissent l'un par rapport à l'autre. Donc, ce n'est pas un critère d'intelligence. C'est un critère d'émotion. Et à un moment donné, la personne va même être prête à se battre. Elle a tellement mis d'énergie. Elle a tellement attaché d'importance à son concept qu'elle en a foi. C'est-à-dire qu'elle en est convaincue aveuglément. Et ça, c'est normal, c'est le mécanisme évolutif de l'homme ancien. L'homme du Verseau, lui, ne sera pas capable d'accepter aveuglément quelque chose. Cela veut dire qu'il ne le détruira pas, mais il ne l'accréditera pas tant qu'il ne l'aura pas expérimenté. Cela va le soulager. Parce qu'à un moment donné, s'il découvre que le paradis céleste, pour lui, selon ce qu'il vibre, est une illusion, il continue à vivre. Tout aussi heureux. Il n'est pas déprimé. Si un jour il découvre par hasard que la réincarnation n'est pas vraie, il n'est pas déprimé. Et s'il ne comprend plus, oui, mais si c'est pas vrai qu'il n'y a pas de paradis, qu'il n'y a pas de vie ici, qu'il n'y a pas ça, qu'il n'y a pas ça, comment tout? Comment ça se fait qu'on est là? Comment ça se fait que tout fonctionne? Il prend un break. Il ne panique pas. Il ne recherche pas. Hein, il ne dit pas qu'il devrait tout savoir. Pourquoi que l'homme veut tout savoir? Parce que l'homme qui ne sait pas est insécure. Et l'homme nouveau n'est pas insécure. Donc, il va attendre. Il va continuer à vivre. À un moment donné, je vais avoir d'autres données. Si j'en ai pas, même si je me crée un monde d'illusions vers lequel je vais tenter de me diriger psychologiquement et ce monde n'existe pas, ça ne réglera pas mon problème. Mais l'homme du Verseau, l'homme qui a une fusion corporelle planétaire, n'a pas ce mécanisme de foi, n'a pas ce mécanisme de croyance. Il a des théories qui peuvent être fausses, qui peuvent être vraies, et il y a ce qu'il sait. Et l'homme doit... Première chose qui va différencier l'homme ancien de l'homme nouveau, c'est que l'homme nouveau va être capable de dire « Je sais ce que je sais et je sais ce que je ne sais pas. » Et dans ce que je ne sais pas, il y a ce que j'envisage comme étant ce qu'il doit y être. Donc, je crois, selon avec réserve, que cela se peut. Et il y a des choses que je ne suis pas sûr que cela se puisse. Mais tout ça fait partie de ce que je ne sais pas. Donc, je n'irai jamais m'argumenter là-dessus. Je n'irai jamais m'astiner là-dessus. Et si quelqu'un vient détruire ça, que ça se détruise. Sachez bien que si quelque chose se détruit chez vous, c'est parce que ça n'existait pas. On ne détruit pas une réalité. On détruit des vérités, mais pas une réalité. Et lorsque dans ce que l'être savait qu'il savait est attaqué, bien, il s'en fout. Parce que si c'est encore une fois détruit, bien, tant mieux. Parce que l'homme ne peut pas s'améliorer en conservant son illusion. L'homme ne peut s'améliorer qu'en laissant ses illusions se démolir. Et l'homme ancien, lorsqu'on démolit une illusion, on doit automatiquement la remplacer par un autre. Ce qu'on appelle les marches de l'évolution. Mais l'homme du Verseau, l'homme nouveau, n'a pas besoin de ces marches. Parce qu'il élimine le mensonge. Et puis après ça, on parlera de réalité. Mais l'homme du poisson, l'homme ancien, a besoin, lorsqu'on lui dit, par exemple, même on va dire à certains que le diable n'existe pas comme tu le penses. Et là, il est perdu. Et là, il doit créer le diable. Alors là, tu es le diable, parce que tu viens de dire que le diable n'existait pas. Il en a besoin. Il doit s'auto-dynamiser, parce qu'il refuse même la simplicité. Vois-tu, hier, on parlait de la politesse, que la politesse, c'est une chose qui était inutile. Parce qu'en toi et moi, on n'est jamais poli, mais on sait vivre. On est capable d'entretenir une harmonie dans la relation, mais il n'y a pas de politesse. Et certaines personnes viennent nous dire, « Ouais, mais c'était peut-être un gars dur à vivre en maudit. Toi, c'était pas poli. » Mais c'est ça le problème. C'est que c'est tellement simple d'arrêter de tout se mentir que l'homme ne le veut pas. Parce que l'homme... Sachez bien que... Pourquoi l'homme a peur de la vérité ou de la réalité? Pourquoi l'homme ne veut pas qu'on vienne démolir le mensonge? Parce que l'homme va se rendre compte que tout ce qu'il dynamise de son être-té, de tout ce qu'il veut être, n'est pas. Et au nom de ça, l'homme crée la foi. Ah, moi, je suis sûr, le sais-tu? J'ai pas besoin de savoir, je suis certain. Tu le sais pas. Et tu peux dire à un moment donné pour régler le problème, ah oui, je le sais. Si tu le sais, tu es capable de te défendre d'une façon intelligente à tout. Et si tu viens me dire, oui, mais non, ça, c'est parce que là, j'ai eu le contact avec Dieu ou avec Jésus-Christ, par exemple, et je le sais. Mais j'en ai vu du monde qui ne vivait que par Christ. Et qui s'astinaient tout l'un l'autre, parce qu'il y en avait des crises de Christ. Il y en avait. Et tous ceux-là vivaient que par Christ, ils étaient convaincus, ils s'en allaient, certains se font crucifier une fois par année, d'autres essaient de vendre des trucs d'encens pour que tu puisses arriver à Christ, d'autres ne font que parler du Nouveau Testament et rejettent l'Ancien Testament, d'autres, bon, c'est ça. Ça, c'est le monde de l'astral, c'est le monde des morts, c'est le monde de la frime, c'est le monde de l'illusion, c'est le monde du mensonge. Alors... L'homme nouveau ne pourra pas, ne peut pas, ne fonctionne pas dans la foi ou dans la croyance. Et il s'en ressent beaucoup mieux. Parce qu'il n'a jamais peur de perdre la foi. Il n'a jamais peur de devoir changer de foi. Il n'a jamais peur de faire erreur. Parce que l'erreur fait partie de l'évolution, donc c'est tout à fait normal. Il est tout à fait content. Sachez bien que l'homme ancien perd son énergie psychologique lorsqu'il découvre qu'il a fait une erreur. Tandis que l'homme nouveau est tout content de découvrir qu'il a fait une erreur. Il y a une bonne différence entre un puis l'autre. Et l'homme ancien va même refuser de voir l'erreur pour être sûr qu'il va pouvoir se dire qu'il n'a pas fait d'erreur. Ça, c'est la croyance. Et ça l'amène, ça dynamise lentement la foi lorsque la collectivité refuse une erreur collective. Lorsque la collectivité refuse ou accrédite quelque chose d'illusoire qu'ils ne savent pas, qu'ils n'ont pas expérimenté, c'est encore ça dynamise la foi. Pourquoi l'homme du Verseau est content lorsqu'il découvre qu'il a fait une erreur? Parce qu'il ne la fera plus. Parce que maintenant, il peut dire, ah ben tiens, ça c'est une erreur. Ah bon, mais ben, j'oublie ça. Maintenant, j'élimine de plus en plus des mécanismes et je me dirige de plus en plus vers la réalité. Et l'homme du poisson, l'homme ancien, l'erreur, non, l'erreur, moi, je n'ai pas fait d'erreur. Hey, ça fait 45 ans que je fais telle chose, viens pas me dire que je me trompe. C'est comme si tu me dirais que je suis un imbécile. Tu n'es pas un imbécile, tu ne pouvais pas faire autrement, mais présentement, observe que ce que tu fais n'est pas correct, puis fais-le plus. Mais l'homme du Verseau va le faire facilement. L'homme du poisson va lutter contre l'erreur parce qu'il croit qu'il doit bien faire. Donc, pour résumer, on peut dire un peu que l'homme du poisson est cristallisé dans les formes ou dans les concepts, tandis que l'homme nouveau est capable de s'ajuster, en gros. Concernant la réincarnation, j'avais posé cette question-là à un jésuite, s'il croyait à la réincarnation. Il a répondu, le concept de la réincarnation, j'y crois, mais je ne suis pas prêt à donner ma vie pour le défendre. Ça, c'est une vraie réponse de jésuite. Alors, il nous reste aussi à voir, j'avais accolé deux mots, là, c'était la procréation et la création. Peux-tu en parler un peu? Bon. La procréation pour l'homme ancien, qu'est-ce que c'est? La procréation pour l'homme ancien, l'homme du poisson veut avoir des enfants pour différents motifs. Certains, ce sont des motifs que nous pouvons appeler des accidents. La majorité des adultes qui veulent avoir des enfants veulent avoir une matière pour pouvoir exprimer ce qu'eux appellent l'amour. J'ai connu à un moment donné certains autres qui étaient un petit peu plus, disons, flyés, là, mystico-pétés. Eux autres voulaient avoir un enfant pour apprendre la patience, un deuxième enfant pour apprendre la paix, un troisième enfant pour apprendre, bon. Et cette personne-là, un jour, m'a même demandé de lui en faire un. Elle était sûre que c'était pour être un dieu. Et puis, elle avait déjà deux enfants. Le plus jeune, c'était son voisin qui lui avait fait. Parce qu'à ce moment donné, elle a réussi à le convaincre qu'il voulait avoir un enfant pour apprendre la paix. Puis son voisin, bien évidemment, c'est pas dur à convaincre un homme. Alors son voisin, bien, lui a fait un enfant pour la paix. Et ils se sont jamais revus. Elle voulait avoir un enfant pour la paix. Et puis son premier, elle l'avait eu pour la patience. Alors disons que là, ça va un peu plus loin. Mais c'est ce que la conscience mystique, la conscience d'évolution psychologique peut entraîner. L'homme du poisson veut avoir un enfant pour pouvoir l'aimer. Et le fait de vouloir avoir un être humain pour pouvoir l'aimer, et ça, que chacun qui veut ou qui ont eu des enfants observe, à part l'accident, qu'effectivement, soit que c'était pour être normal, à l'époque, dépendant des âges des personnes, tu fondes une famille, il faut que tu aies des enfants, sinon tu n'étais pas normal. Bon, donc encore là, c'était pour être normal, mais l'enfant n'a aucune importance à l'intérieur de ce mécanisme-là. C'était pour être normal. D'autres, c'est sûr qu'ils ont aimé leurs enfants après et qu'ils ont travaillé avec, mais ils n'ont pas eu des enfants. On parle de procréation. On ne parle pas de l'amour infantile, on parle de la procréation. D'autres vont avoir des enfants pour pouvoir combler un besoin. Un besoin émotif, donc ils veulent les aimer. Ah oui, moi, je veux avoir un garçon ou une fille, ça n'a aucune importance, tu sais, mais ça va être mon enfant, puis ça va être ma possession. Mais ils ne disent pas ma possession, ils disent mon enfant, puis je vais l'aimer, puis je vais l'élever comme ma conception psychologique. Ben, enfin, c'est pas ça qu'ils disent non plus, mais je vais l'élever comme il va être bien, puis je vais l'élever pour qu'il soit lui-même, puis tu l'éduques tout le long de son éducation à être toi-même. Bon. Mais ça, c'est pas grave encore. Présentement, on peut pas faire autrement. Il faut pas qu'on se culpabilise. J'observe un processus, simplement, et non pas rien d'autre. Donc, encore là, tu te fous de l'enfant, parce que tu procrées un enfant pour pouvoir, toi, aimer, tu sais. Puis à un moment donné, c'est prouvé d'ailleurs que si tu n'as pas d'enfant, ben, achète-toi un chien ou un chat ou un oiseau, puis ça va bien aller aussi. Bon. L'homme du Verseau ne procréera pas d'enfants tant qu'il n'y aura pas une raison intelligente, c'est-à-dire qu'il aura des enfants par affaire. Et non plus par émotion. Et lorsque je dis par affaire, c'est pas pour faire de l'argent. Certains l'ont déjà fait, évidemment. Ils ont des enfants pour les vendre. Puis il y en a qui le font, ils les vendent pas ici, mais ils ont plus d'assistance sociale. Bon, ça n'est pas des cas. Bon. Maintenant, l'homme du Verseau n'aura pas d'enfants pour le seul plaisir d'avoir des enfants. Si un jour il a des enfants, ce sera peut-être pour pouvoir procréer au niveau de la race. Pour que la race vive. C'est ça. Maintenant, évidemment, présentement, il n'y a pas de problème. Il y en a en masse qui ne savent pas ce qu'ils font et qui s'en occupent. Bon. La race continue, il n'y a aucun problème pour ça. Ça va vers les 5 milliards prochainement. L'homme du Verseau ne voudra pas avoir d'enfants. Et ça, c'est de plus en plus chelonné au niveau du Québec que les jeunes n'en veulent pas. Ils aiment les enfants des autres, mais ils ne sont pas prêts à mettre un enfant au monde. Et ça, c'est typique de la nouvelle conscience qui se développe. Ce n'est pas une conscience anti-humaine, c'est une conscience mauditement humaine. Mets un enfant au monde pour des raisons intelligentes. Donc, tu seras conséquentiel dans ton acte. Tu auras un cadre d'évolution pour ton enfant qui aurait été préparé d'avance. Tu sauras ce que tu fais. Et tu n'iras pas dans l'improvisation pendant les 15 ou les 16 années de l'éducation de l'enfant. Tu ne maudiras pas Dieu le Père de t'avoir donné ces enfants-là. Tu ne seras pas toujours en train de dire à ta femme qu'elle est comme toi. Puis à ton mari que, ouais, c'est bien ton gars, ça paraît, puis etc., etc. L'éducation des parents va être coordonnée, c'est-à-dire que chacun n'aura pas son idée d'éducation, puis vont commencer à l'exploiter lorsqu'il y aura un enfant. Il y aura une intelligence d'avoir un enfant. Un enfant, ce n'est pas un jouet. Tu ne mets pas un enfant au monde simplement pour combler une lacune psychologique, pour te sécuriser, pour combler une lacune émotive au niveau de ce que tu appelles l'amour. L'homme du Verseau va mettre des enfants au monde lorsque l'enfant qui sera au monde aura une intelligence d'être là. Pas simplement parce que c'est quasiment juste des accidents. Procréez et multipliez-vous. Mais à un moment donné, il faudra qu'on cesse de se multiplier parce que là, c'est les erreurs qu'on multiplie. Alors, l'homme du Verseau, la procréation, l'enfant, non, aucun problème, il va attendre longtemps. Il y a une autre chose qui va arriver au niveau de l'homme du Verseau qui n'est pas prêt à être compris par l'homme du Poisson. Alors, j'en parle, mais évidemment, on pourra, au niveau des questions, élaborer par la suite. Il ne faut pas me juger par ce que je dis, parce que encore là, vous feriez fausse route en Christie. J'énonce des processus. Et il y a une chose qui va arriver à un moment donné aussi, c'est qu'on va faire attention à créer... C'est-à-dire qu'on va s'arranger pour que les enfants qu'on va mettre au monde soient des enfants qui soient en santé. Cela veut dire que si toi, tu as des caractères d'hémophilie ou tu souffres d'hémophilie, tu ne mettras sans doute pas d'enfants au monde pour la simple raison que tu vas génétiquement continuer, je donne un exemple, continuer à transmettre cette pathologie médicale dans le règne humain. Et le règne humain doit, lorsque tu mets un enfant au monde, ce n'est pas pour mettre un enfant au monde qui va vivre, par exemple, toute sa vie dans un cadre totalement inhumain, simplement parce que tu voulais avoir un enfant. Alors, tu vas simplement t'arranger, c'est ce que l'homme du Verseau va faire facilement, ce que certains ont déjà fait dans d'autres civilisations dans l'Antiquité, ce qui fonctionnait extraordinairement bien, c'est que toi, à un moment donné, tu as la possibilité énergétique, financière, matérielle, etc., de pouvoir éduquer un enfant. Parfait, alors on va te donner un enfant éduqué. Mais ce n'est pas nécessaire que ce soit ton enfant biologique pour que tu aies l'impression qu'il t'appartient, que c'est ton enfant, que tu ne peux pas aimer autrement. Comment veux-tu faire pour aimer l'enfant d'un autre? L'enfant d'un autre, ça ne se peut pas. Un enfant, c'est un être humain. Ça n'appartient pas à personne. Et dans un cadre social comme le nôtre, on est obligé de l'éduquer. Présentement, les élèves. Mais à un moment donné, il va falloir qu'on les éduque. C'est-à-dire qu'on leur donne la possibilité de comprendre le cadre dans lequel on les a mis au monde. Pour ce qu'on fait présentement, ils sont le seul à vie. La vie va leur montrer dans quelle farce ils sont venus au monde. Alors, présentement, l'homme du poisson se doit d'être convaincu qu'il a un lien énergétique, un lien sanguin, un lien... Mais appelle-le comme tu voudras pour dire que c'est son enfant. Même si son enfant naît avec des torts physiques, c'est pas grave. On en aura d'autres, puis à un moment donné, il y en aura un qui sera correct, ou je le sais pas, pour que ce soit son enfant. Parce qu'on n'est pas capable de comprendre l'intelligence même de ce que c'est que la vie humaine. La vie humaine, c'est pas un enfant qui sort d'une personne. La vie humaine, c'est quelque chose qui est totalement... différents, séparés des parents. Alors, à un moment donné, moi, j'ai deux enfants, tu en veux un, parfait, élève-en un. Et ça ne peut pas être compris par l'homme du poisson présentement, parce que l'homme du poisson ne conçoit pas l'enfant comme étant un être humain. Il le conçoit comme étant un enfant qui lui appartient. Alors, on parle de processus de l'homme du Verseau, mais on ne mettra plus d'enfants au monde qui seront qui auront un cadre d'évolution difficile, qui auront un cadre souffrant, qui seront charriés d'un bord à l'autre, qu'on ne saura plus quoi faire avec, qui seront dans un cadre d'évolution, donc dans une société ou dans un cadre scolaire ou dans un cadre familial qui n'aura aucun sens avec l'enfant lui-même. On aura des enfants lorsque ce sera le temps d'avoir des enfants et non plus seulement par accident pendant le sommeil. Bon, je pense qu'on a terminé notre entrevue, là, puisqu'il est 9h20. J'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de questions, là, surtout concernant les enfants. Je pense que tu as suffisamment aiguillonné le monde pour qu'il y ait des réactions, qu'il y ait un peu de résistance. D'ailleurs, comme il le dit toujours, ne me croyez pas, là, vérifiez-le, expérimentez-le. Et puis alors, on vous encourage donc pendant cette pause d'une demi-heure de préparer vos questions, de nous les faire parvenir. On fait en passant un petit chou à la technique et on applaudit vivement notre ami Daniel Kemp pour sa prestation.